Novembre est le mois du vendredi fou chez Dolbo Auto. Obtenez jusqu'à 9 000 $ en valeur totale sur les modèles 2018. De plus, bénéficiez d'un rabais de 1 000 $ sur le vendredi fou de Dolbo Auto au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo, Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0570. Monsieur Stéphane Fortin vous rappelle que d'acheter localement pour soutenir notre économie. Jean était de passage sur les ondes de CKJ hier et il nous parle évidemment de la fin de semaine des Saguenayens. Donc on écoute l'entrevue qu'il a réalisée avec Michel Tifot et Dominique Bolduc sur les ondes de CKJ. Hockey junior. On va jaser avec l'instructeur chef des Saguenayens, Yannick Jean. Bonjour Yannick. Bonjour. Avant de parler des matchs de la dernière semaine, deux questions, Yannick. Après 26 parties cette saison, qu'est-ce que tu voudrais que tes joueurs corrigent à tout prix et mettent en pratique d'ici la fin de la saison? Ben, tu sais, je pense que on avait mis une structure en place plus tôt en saison, cette saison qui a été bien mis en place. Par la suite, là, on a travaillé énormément sur l'éthique de travail, sur l'effort. Je pense qu'il y a eu une grosse amélioration de ça là, dans les trois derniers matchs contre Rimouski chez nous, les deux du week-end. Puis maintenant, on est à travailler, là, à être plus présent, fidèle, compter des buts plus là, d'une manière en se dirigeant avec autorité au filet, en essayant de battre des joueurs de vitesse au filet adverse. Plus tu avances dans une saison junior majeure, plus les buts, faut que tu les travailles parce que les équipes, les systèmes s'améliorent. Donc, faut que tu sois capable de générer de l'offensive, de marquer des buts en mettant des rondelles au filet, en faisant des jeux simples. Et toujours après 26 parties, Yannick, qu'est-ce que tes joueurs font de bien depuis le début de l'année que tu voudrais que tes bleus conservent cette consigne-là? Ben, tu sais, je pense que à part les deux matchs là à la maison là, la semaine dernière là contre Moncton et Cap-Breton, notre jeu défensif était très très bon. On était avant ces deux matchs là le meilleur club dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec par rapport au but contre. Tu sais, on veut continuer de progresser de cette manière là, mais on croit là que ça c'est bien mis en place, puis ça peut être bon pour nous à long terme. On regarde les deux matchs là, de la fin de semaine à Blainville et à Shawinigan. On a seulement donné 17 chances de marquer à l'adversaire au cours des deux matchs ensemble. Donc, c'est très positif. C'est des choses qu'il faut continuer de faire. Et dans la victoire, dans la partie là, contre l'Océanique de Rimouski, la victoire, Zachary Boutillier a démontré tout son talent. Qu'est-ce que tu retiens de la performance de ton vétéran gardien de but? Ben, ça a pris peut-être un petit peu de temps à se mettre en marche au retour de son camp professionnel. Il était très bon lors de ce match-là. Il était bon également là, à Blainville samedi. Je pense qu'il est en train tranquillement là, de retrouver son air d'aller. Puis c'est positif dans son cas. Est-ce que tu es inquiet un peu de l'attaque là, qui a ralenti un peu dernièrement? Oui, mais tu sais, inquiet. On sait pourquoi. Il y a des choses qu'on veut améliorer, qu'on veut progresser. Oui, on aimerait marquer plus de buts. C'est vraiment là-dessus là, qu'on va mettre l'emphase là, dans les prochaines semaines. Quelles sont les dernières nouvelles de Samuel Hood qui a été blessé en fin de semaine? Il y a des symptômes de commotion. Il était victime là, d'une mise en échec où est-ce qu'il pouvait vraiment pas se défendre. Donc, on va voir là, dans les prochains jours, on va analyser son dossier. On ne sait pas comment de temps il va être absent du jeu, mais pour l'instant, là, il ne devrait pas être de retour sous peu. OK. Est-ce qu'il y a d'autres changements à prévoir pour. Ben là, c'est vendredi contre les Remparts de Québec? Oui, exactement. On joue contre Québec. Par la suite, on joue deux matchs contre Bécomo. Niazef, Artémie va quitter pour le championnat du monde junior A à partir de mercredi prochain. Donc, il lui reste trois matchs là, à jouer avant la période des fêtes. Il va être absent là, de notre équipe là, pour six matchs en décembre. Donc, il y a du mouvement, un petit peu de mouvement là, qui va se produire dans les prochaines semaines, mais c'est souvent là, comme ça, là, aller jusqu'à la période de Noël. Yannick Jean, merci beaucoup. Bonne chance pour les matchs du week-end. Et on se reparle lundi prochain. Merci beaucoup.